juste une introduction de plus. Je fais monter la pression, ce son, une présentation de cet album. Ça t'étonne, avenir incertain, mais plus vénère c'est certain. Juste une introduction de plus, je fais monter la pression, ce son, une présentation de cet album. Ça t'étonne, avenir incertain, mais plus vénère c'est certain. Avenir incertain, putain c'est certain. Si tu prends le train en route, sache que j'ai connu des déroutes. Plongé dans le doute, en outre, un passé triste, inscrit dans ces pistes, nouvel opus. Y'a toujours trop d'abus, et qui aurait pu y croire. Je reviens et de loin, mon avenir toujours incertain. Certes, il faut que je garde espoir, le regard dans le noir ou perdu dans ma mémoire, le futur en ligne de mire. Car on a tous un avenir, plus ou moins proche, des sous en poche, ou la perte de proches que l'on admire. Futur star ou clochard à mauvaise mine, écrivain usant les mines, ou galérien dans une mine. Beaucoup d'issues possibles, je vise la bonne cible et rêve de l'atteindre dans l'attente. Juste une introduction de plus, je fais monter la pression, ce son, une présentation de cet album. Ça t'étonne, avenir incertain, mais plus vénère c'est certain. Juste une introduction de plus, je fais monter la pression, ce son, une présentation de cet album. Ça t'étonne, avenir incertain, mais plus vénère c'est certain. Je fais monter la pression, nouvelle expression, je mets la barotte. T'étonne pas si t'as le baron grand. J'ai mon note sur mon album, le nôtre, un nouveau parlant d'hier et de demain. Tu l'as compris, avenir incertain. Donc je vis le présent et ce à 100%. Le rap dansant encore et toujours présent dans le passé, le présent et l'avenir. Une chose de certaine, le peur a dans mes gènes. Allez, j'enchaîne sur ce scud, tour de ma vie, celle que j'écris et que je décris. De mes cris et des tiens, accroche-toi bien, ouvre tes oreilles. Tiens, première attaque verbale, ce scud n'est pas pour ceux qui parlent sur moi. Et y'en a, donc t'auras du vénère et des règlements, mais aussi du posé plus calmement. Juste une introduction de plus, je fais monter la pression, ce son, une présentation de cet album. Ça t'étonne, avenir incertain, mais plus vénère c'est certain. Juste une introduction de plus, je fais monter la pression, ce son, une présentation de cet album. Ça t'étonne, avenir incertain, mais plus vénère c'est certain. Troisième couplet, je veux être complet, compléter mes dires complètement fêlés des fois, mais compétent, crois-moi, qu'on paiera, j'espère que ça te plaira. Certains paieront de m'avoir contrarié. Le contrat simple, marche avec moi. Que du vrai dans mes récits, toujours la même formule, rien ne s'annule, je suis le même noctambule, le mec dans sa bulle. Je ne me dis pas inclashable, car l'avenir est incertain, mais d'affronter en clash quiconque je suis capable. Né de crainte, toujours le même, une dédicace aux gens que j'aime, et un gros fuck à ceux que j'emmerde. Tu me reconnais, mon blaze est le RAC, mon langage plus ou moins grossier, et un tas de dossiers à balancer, avec ou sans le MIC refrain. Juste une introduction de plus, je fais monter la pression, ce son, une présentation de cet album. Ça t'étonne, avenir incertain, mais plus vénère c'est certain. Juste une introduction de plus, je fais monter la pression, ce son, une présentation de cet album. Ça t'étonne, avenir incertain, mais plus vénère c'est certain. À ce présent dès le début, à toi qui écoutes la bienvenue, le rack. Avenir incertain.